baby, just passing through. C'était Elton John et Dua Lipa sur France Bleu Bourgogne. À Calais dans un instant, un panier Gardini d'une valeur de 110 €. Vous aurez une boîte d'Annie de Flavigny, un rouleau de Nonette Mulot et Petit Jean, un bon pour une époisse AOP offerte par la boutique de la fromagerie Gaugry à Brochon. Plein de choses à remporter dans ce panier Gardini. Ce sera juste après votre Radio Disco. 28e épisode de cette Radio Disco avec vous, Nora Bedrouni. On lave son disco en famille aujourd'hui. Oui, mais pas avec n'importe quelle lessive. Et c'est ce qui arrive régulièrement aux enfants et petits-enfants de chanteurs professionnels. Bienvenue sur Radio Disco. Disco. Attention, votre série va commencer. 1979. Le 4 mai, Margaret Thatcher est nommée première ministre du Royaume-Uni. À ce moment-là, personne ne pouvait prévoir si oui ou non, il y aurait une génération Thatcher. Alors que la question se posait bel et bien pour le disco. Bon, alors Jean-Pierre Robert, vous qui avez mené l'enquête, est-ce que vous pensez que comme pour le rock, on peut vraiment parler d'une génération disco? Oui, certainement. Je crois que ce qu'il faut dire d'abord, c'est que vous vous souvenez, il y a 2 ans, quand on interrogeait un producteur de disques, on interrogeait un chanteur, ou même un marchand de disques, il vous disait le disco, c'est pas grand-chose, c'est une mode qui ne durera pas, qui n'ira pas au-delà de l'été. Et aujourd'hui, on se rend compte que c'était pas du tout ça. Votre pronostic, ça va durer vraiment encore 5, 6, 7 ans? Bien, tous les spécialistes que nous avons vus encore avec Marie-Pierre Farkas et Jean-Noël Fournier qui ont fait cette enquête avec moi disent que ça devrait durer 2 ans. Et puis, ils pronostiquent pour 1981 le reggae. Et ce sont 4 jeunes femmes originaires de Philadelphie qui emboîtent le pas du disco. Debbie, Kim, Jani et Katie. Baptisées The Sister Slade, Slade étant leur réel nom de famille, les 4 frangines rencontrent de petits succès d'estime en 1974 et 1975. Il leur faudra patienter encore un peu pour la consécration avec le tube bien nommé We Are Family. Prêtes à abandonner leur carrière de chanteuse lorsque Nile Rodgers et Bernard Edwards, producteurs et cofondateurs du groupe Chic, les repèrent. À eux deux, ils composent et produisent We Are Family, dans des conditions d'enregistrement très particulières, comme le racontent Debbie et Kim Slade. We recorded that in Power Station Studios in New York. It was another one of the... Nous avons enregistré dans le Power Station Studio à New York. Et c'était une sacrée aventure avec le groupe Chic. Tu entres en studio et tu n'as aucune idée de la chanson que tu vas interpréter jusqu'à ce que tu sois devant le micro et que tu entendes la musique. We did backing vocals first. L'enregistrement a été fait en plusieurs étapes. La première était d'abord l'enregistrement des chœurs. On n'avait aucune idée de ce qu'allait être le couplet. Je crois que sur l'enregistrement original, il y avait certaines voix du groupe Chic. En entrant dans le studio, ils nous ont juste donné le refrain. Donc, on a chanté tout le refrain en une seule prise. En fait, les paroles de la chanson ont été écrites une fois qu'on avait fini d'enregistrer le refrain. Donc, ils nous ont fait une surprise en nous indiquant que la chanson qu'ils avaient écrite était à propos de nous et cela correspondait vraiment à notre histoire familiale. We Are Family est devenu l'hymne d'un club de baseball en Pennsylvanie et a été reprise maintes fois. Normal, les Sister Slade ont vendu 20 millions d'unités de leur hit international. votre été, France Bleu devient Radio Disco. Demain, une autre histoire de plagiat, celle de Michael Jackson qui a abusé d'un titre de Manu Dibango. C'est Soul Makossa. On va vous expliquer tout ça demain, donc à la même heure à 17h45. Chapeau de paille, charcuterie, fromage et boissons fraîches, c'est les vacances sur France Bleu Bourgogne. Il est l'heure maintenant de vous faire un cadeau sur France Bleu Bourgogne, un cadeau en partenariat avec Vive la Bourgogne-Franche-Comté. Les entreprises locales, nous vous offrons un panier garni d'une valeur de 110 euros, rien que ça. Alors dans le panier, il y a une boîte d'Annie de Flavigny, un rouleau de Nonette Mulot et Petit Jean, un bon pour une expérience Cassis au Cassisium pour une personne, un bon pour une démonstration de cavage de truffes et dégustation avec l'or des Valois. Vous voulez gagner ce panier garni d'une valeur de 110 euros. C'est très simple, vous nous appelez dès maintenant au 03 80 42 15 15. Le ou la plus rapide d'entre vous remportera ce panier garni, je rappelle, d'une valeur de 110 euros. Tout de suite sur France Bleu Bourgogne, Stéphanie vous attend à l'accueil, c'est le moment. Si vous voulez déguster de bonnes choses bien de chez nous, eh bien on se retrouve juste après. Louise Attaque, c'est Léa sur France Bleu. Léa, elle n'est pas terroriste, elle n'est pas antiterroriste, elle n'est pas intégriste, elle n'est pas seule sur terre, elle n'est pas commode, non. Elle est pas commode, elle est pas froide, elle est pas chiote pour une nuit réaliste. Elle est pas créditeur, elle est pas méchante, mais putain qu'est-ce qu'elle est chiante. Léa, elle est pas intérimaire, elle est pas comme ma mère, elle est pas sagère. Elle est pacifiste, elle est pas d'accord, elle est passionnée. Elle est pas fut-fut, elle est pathétique, elle aime pas tout métique. Elle est pas solitaire, elle est pas solidaire. Elle est paresseuse, elle est pas réciproque. Elle est pas en cloque, elle est pas de la région PACA, elle a qu'à s'envoler. Léa. Les parisiennes, elle est pas présentable, elle est pas jolie, elle est pas moche non plus. Elle est pas à gauche, elle est pas à droite, elle est pas maladroite. Léa, elle est pas terroriste, elle est pas antiterroriste. Elle est pas jolie, elle est pas moche non plus. Elle est pas toujours drôle, elle est pas libre. Elle est pas tentée, elle est paternaliste. Elle est pas inspirée, elle est patiente. Elle est pas stichieuse, elle est pas cible. Elle fait pas la politique. Léa, les parisiennes. Elle est pas présentable, elle est pas jolie, elle est pas moche non plus. Elle est pas à gauche, elle est pas à droite, elle est pas maladroite. Elle a pas volé, elle est pas une shot, elle est pas stand, elle est pas stable, elle est pas stable, elle est pas partout. Elle dit qu'elle partira, elle est même pas venue. Elle est partisane, elle est pas papa sortable et sage, où les papas déjà dit. Quelle parisienne, elle est pas terroriste, elle est pas terroriste. Les parisiennes, elle est pas présentable, elle est pas jolie, elle est pas moche non plus. Elle est pas à gauche, elle est pas à droite, elle est pas maladroite. Léa de Louise Attaque sur France Bleu Bourgogne. Bonsoir Guy. Bonsoir. Bienvenue sur France Bleu Bourgogne. Merci, c'est avec plaisir que je viens... À l'antenne. C'est avec plaisir qu'on vous reçoit, Guy. En plus, vous aimez manger les bonnes petites choses qui viennent bien de chez nous ? Absolument. Toutes les spécialités bourguignonnes, on les apprécie, bien sûr. Bon, en tout cas, vous avez été le plus rapide à nous appeler, Guy. Donc, est-ce que vous voulez que je vous fasse un petit détail là, de ce que vous venez de gagner ? Ouais, volontiers, oui. Eh ben, une boîte d'anis de Flavigny, un rouleau de nonnettes Mulot et Petit Jean, un bon pour une époisse AOP offert avec la boutique de la fromagerie Gaugry à Brochon, un bon pour une expérience au Cassisium, un bon également pour une démonstration de cavage, un lot de 4 portions moutarde Fallot. Enfin, vous l'avez compris, que des bonnes choses pour vous. Ça vous va, Guy ? Merci beaucoup. Eh ben c'est parfait. Écoutez, je vous souhaite, en tout cas, je vous souhaite une bonne soirée à l'écoute de France Bleu Bourgogne. Eh ben, je suis fidèle jusqu'au soir, pas de problème. Ben merci beaucoup, Guy, en tout cas. Entendu. Bonne journée. Allons, on se retrouve dans quelques instants sur France Bleu Bourgogne. On va aller du côté de Montbard parce qu'il s'en passe des choses à Montbard. Ça sera juste après votre journal de 18h. Clément, j'ai eu une vision. Au prochain match, le DFCO va gagner 4-0. Mais tu dis n'importe quoi, Adrien. C'est un début de saison, on va gagner 1-0 et basta. Ah, t'es sûr de toi ? Eh oui, je suis sûr, c'est logique. Et tu sais quoi, je te propose un concours de pronostics. En plus, c'est parfait, j'ai trouvé une application totalement gratuite. Et si les auditeurs de France Bleu Bourgogne veulent jouer avec nous, ils sont les bienvenus. Et en plus, on va tout expliquer sur FranceBleu.fr. Le concours de pronostics de France Bleu Bourgogne, c'est simple. Tout le monde peut jouer et c'est moi qui gagne à la fin. Même pour un rêve. Dans le monde, des enfants meurent de faim. Hélène a été sauvée grâce aux équipes d'Action contre la faim dans une région où sa maman n'a pas accès à l'eau potable et où il n'y a rien à manger. Pour les aider, mon papy a décidé de leur donner une partie de son héritage. Je suis fière de mon papy. Est-ce que vous le saviez ? Action contre la faim peut devenir votre héritier. Pour un monde sans faim, pensez à la transmission en faveur de notre association. Vos volontés seront respectées. Demandez la brochure sur les legs et assurances vie sur actioncontrelafaim.org. France Bleu, connecté à notre région. Ici, c'est France Bleu Bourgogne. Il est 18h, bienvenue sur France Bleu Bourgogne. Tout de suite, c'est votre journal. Journal présenté par Christophe Tourneux. En Côte d'Or, un boulanger a de plus en plus de mal à faire son beurre. Il s'appelle Fabrice Guinaud. Il est boulanger depuis 13 ans à Cessé-sur-Tille. Et depuis 2 ans, il a aussi repris la boulangerie de Longchamp en pleine de Saône. Mais comme beaucoup de ses collègues, il subit de plein fouet l'inflation des matières premières et de l'énergie. Il se retrouve aujourd'hui avec plusieurs factures en retard. Une situation qui a ému une de ses clientes. Elle a ouvert une cagnotte en ligne sur la plateforme On Participe. Grégoire Batté, cette collecte a déjà permis de récolter 3 500 €. À la boulangerie de Longchamp, les clients achètent toujours leurs baguettes de pain, mais certains déposent aussi un petit billet ou un chèque dans une boîte en carton posée à côté de la caisse. Sylvie est venue ce matin avec ses petits-enfants. Elle a suivi la cagnotte sur Internet. Oui, j'ai participé. Nous, dans nos campagnes, si on n'a plus de commerce, les villages meurent. Hein. Il faut quand même aussi penser aux vieilles personnes qui n'ont pas de moyens de locomotion, puisqu'on est rentré dans une ère où il ne faut pas trop utiliser la voiture. Mais rien n'est fait pour que les gens puissent acheter leurs produits dans leur propre village. Car de voir se déplacé pour acheter du pain de moins bonne qualité, très peu pour Martine. J'ai pas envie de prendre la voiture tous les jours pour aller chercher une baguette de pain à Genlis. Moi, le pain congelé, j'aime pas. Je préfère avoir ma baguette fraîche tous les jours. Fabrice Guinaud, le propriétaire, continue à faire son pain, mais il est obligé de faire des sacrifices pour tenir. Ben, je me paye pas. On essaye de commander au minimum, travailler à flux tendu, j'ai presque pas de stock. Déjà, si les augmentations arrêtent, je pense qu'on devrait s'en sortir. Fabrice espère encore récolter près de 2 000 € pour rembourser 2 grosses factures. La cagnotte est encore ouverte une 20aine de jours. Et une autre initiative de l'association Les Petits Loups pour aider ce boulanger est prévue à Cessé-sur-Tille, ce sera le 2 septembre. La famille de Johan respire ce soir à Semur-en-Auxois. Le jeune homme de 18 ans est rentré chez lui. Il n'avait pas donné de nouvelles depuis le 16 juillet dernier. La gendarmerie de Côte d'Or avait même lancé un appel à témoins la semaine dernière. Appel à témoins qui est donc levé après cet heureux dénouement. Un autre jeune homme fait parler de lui ce soir. Il a 17 ans, il est originaire de Vincennes. Ce jeune a été interpellé par la police hier soir à Chenauve, dans le quartier du Mail, alors qu'il rôdait autour d'un buisson. Et pour cause, il y avait dissimulé pour 1 200 € de drogue. Il devra s'en expliquer devant la justice en octobre prochain à Créteil. Un incendie a ravagé un garage à la mi-journée à Chevigny-Saint-Sauveur. Près d'une 30aine de pompiers sont intervenus pour éteindre cet incendie qui a aussi détruit 5 voitures. Ils ont réussi à sauver un autre bâtiment juste à côté. Une personne se retrouve au chômage technique. Ce n'est évidemment sans commune mesure avec l'incendie qui a fait 11 victimes ce matin dans un gîte à Vinzenheim, près de Colmar. Des personnes en situation de handicap y séjournaient avec une association de Nancy ainsi que leurs accompagnants. Leur identification est toujours en cours. Patrick Janton. 11 victimes, cela a été confirmé par la vice-procureure de Colmar, présente sur les lieux. Les recherches ont été très longues depuis ce matin pour retrouver les corps des 11 personnes, très tôt déclarées disparues. Toutes se trouvaient dans une mezzanine ou à l'étage du gîte. 17 personnes ont pu s'échapper dès l'alerte donnée, pour la plupart des gens hébergés au rez-de-chaussée. Ce grand gîte, établissement privé, est une ancienne grange à foin qui a été entièrement réhabilitée il y a quelques années. Une vieille bâtisse alsacienne faite de nombreux colombages et de murs en torchis. Le toit s'est rapidement effondré vers 6h30. Les secours, arrivés 14 minutes après le déclenchement de l'alerte, n'ont rien pu faire pour les victimes. Selon le témoignage du coordinateur des pompiers, tant l'incendie était alors déjà puissant et dévastateur. La même source indique que le feu aurait pu couver une bonne partie de la nuit avant de prendre toute sa vigueur. Les corps des malheureuses victimes, de jeunes adultes atteints de handicap et un de leurs accompagnateurs, seront autopsiés à Strasbourg. L'enquête est confiée à la section de recherche de la gendarmerie. Parmi les premières interrogations, le nombre total de personnes qui séjournaient dans ces lieux. L'établissement était a priori prévu pour une quinzaine de couchages et les deux groupes qui l'occupaient étaient manifestement beaucoup plus nombreux. La première ministre Elisabeth Borne s'est rendue sur place cet après-midi. Des drames, il y en a aussi malheureusement toujours en Méditerranée. 41 migrants sont morts dans un naufrage la semaine dernière. On l'apprend aujourd'hui par des témoignages de survivants qui viennent d'atteindre l'île italienne de Lampedusa. Depuis le début de l'année, 1200 personnes ont péri en Méditerranée. En Saône-et-Loire, le loup est réapparu. Un agriculteur a même pu le photographier hier soir dans le secteur de Saint-Bérin-sur-Deûne. Le préfet invite les éleveurs de la région à renforcer la surveillance de leurs troupeaux et a déclaré toute attaque le plus rapidement possible. Vous avez la photo et les détails sur francebleu.fr. La préfecture qui surveille aussi de près le niveau des rivières et de la Loire, les débits du fleuve sont toujours sous le seuil d'alerte. Le préfet de Saône-et-Loire a donc décidé de prendre un nouvel arrêté sécheresse. Les secteurs Arconce et Sornin, Arroux-Morvan, Bourbins, Saunaval et Saye-Guyotte sont placés en alerte renforcée, d'autant plus que les prévisions d'un temps chaud et sec ces prochains jours appellent à la prudence. La météo en Bourgogne, justement, c'est vrai que l'été revient, Clément. Oh oui, l'été revient et il est bon et chaud. En tout cas, c'est ce que prévoit Météo France pour demain. Quelques passages nuageux dans la matinée et puis ça ira mieux. 17 degrés jusqu'à 20 degrés demain matin en réveil. 27 degrés à Laigne et à Gevrol dans l'après-midi. 28 à Chalon-sur-Saône, Beaune et Dijon. Et pour terminer, 29 degrés attendus du côté de Mâcon. On fait la route ensemble comme tous les soirs sur France Bleu. Et oui, on fait la route ensemble avec, pour l'instant, eh bien, très peu de complications sur les routes. Toujours un petit peu au nord de Dijon quand on essaye de passer le rond-point de la Toison d'Or, mais sinon pas d'autres soucis. Voyez un incident, accident, 03 80 42 15 15. Le retour de l'info c'est à 19h, c'est en continu sur francebleu.fr et je vous souhaite une belle soirée. À demain Christophe. Sur France Bleu Bourgogne, Clément Lebas ouvre le carnet d'adresses. Si on allait à Montbard fêter un superbe été, parce qu'il y a eu un superbe été à Montbard, avec un dernier concert d'été justement qui aura lieu ce vendredi. Madame la maire est avec nous ce soir, Laurence Porte, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur France Bleu Bourgogne. Bienvenue à Montbard. Ah bah oui, bah on y est bien. Qu'est-ce que vous voulez? Vous nous invitez, nous on y rentre, hein, les deux pieds joints. Alors on je voulais savoir. De vous accueillir en tout cas. Un été plein de concerts, Laurence. Un été plein de concerts. Pourquoi avoir fait ça du côté de Montbard? Bah, c'est tout simplement que tous les étés, vous savez, il se passe beaucoup de choses en Haute-Côte d'Or, à Montbard comme partout ailleurs. Et c'est vrai que là, on a eu quand même, là, sur cette édition 2023, quelque chose d'assez extraordinaire, puisque dès juillet, on a accueilli le grand violoncelliste Gauthier Capuçon, en accueillant le festival Un été en France. Et il s'est produit avec les enfants de notre orchestre à l'école. Imaginez quel moment ça a été pour le public venu vraiment en nombre. Et puis, en effet, on a cette programmation intitulée « Notes d'été », vraiment la programmation de la ville en direction d'un public extrêmement diversifié, où c'est simplement la proposition de 4 concerts tout au long de l'été. Et en effet, le prochain et dernier concert, c'est le 11 août avec le Johann Rich Trio à 20h30 sur la place de la Pépinière Royale. Et notre programmation a eu le label Un été culturel, décerné par la Direction régionale des affaires culturelles, ce qui marque quand même la qualité de cette programmation qui est offerte gratuitement. Et ça, c'est quand même pas mal. Johann Rich, d'ailleurs, sera avec nous dans quelques instants sur France Bleu Bourgogne pour nous parler de tout ça. Et donc, du coup, vous vous êtes dit, ouais, on va essayer de faire bouger Montbard un peu. Alors, c'était ça aussi l'objectif? Ah oui, bien sûr. Alors, faire bouger Montbard, il se passe toujours, vous savez, beaucoup de choses hein, dans notre vous n'avez pas le choix de dire ça, de toute façon. Comment? Je dis, vous n'avez pas le choix de dire ça, madame la maire. Non, mais en même temps, je suis. Oui, ça me laisse un petit peu chanchon, j'ai envie de dire, parce que c'est pas que cet été où il se passe plein de choses, puisque c'est tous les ans, voilà, où on fait énormément d'animation. En fait, l'important, ce qu'il faut retenir, c'est que l'objectif vraiment premier de la programmation estivale, c'est de pouvoir offrir aux habitants, aux visiteurs, un programme qui est toujours extrêmement éclectique. C'est la culture partout, pour tous, avec une voilà une offre extrêmement variée et quasiment toujours gratuite. Ça vaut bien sûr pour toutes les animations musicales. Et puis vraiment un choix qui est toujours extrêmement porté sur la qualité voilà des groupes accueillis. L'idée c'est aussi de faire découvrir des nouvelles choses, profiter voilà et puis prendre le temps tout simplement. Eh ben on va prendre le temps avec vous. Il faut savoir aussi hein, qu'on entend parler de Montbard tout au long de l'année hein, sur France Bleu Bourgogne avec l'office de tourisme qui vient régulièrement tous les week-ends. Non et mais on c'est en aussi est pour dire. Bien évidemment. Ah oui non mais tout à fait. Hein, c'est pour faire aussi un peu du coup de la pub de ce qui se passe le week-end parce que vous avez toujours des moments sur France Bleu où on apprend ce qui se passe un peu en Bourgogne et il faut savoir qu'il y en a des choses. Laurent justement comment se sont passés les premiers concerts là cet été? Ouais, très très bien. Déjà, il y a eu une météo assez sympa, on va dire quand même en juillet. Bon, un petit peu plus compliqué sur le troisième concert. Et voilà, on est toujours sur une jauge qui va tourner entre 200-300 personnes. Et c'est très bien comme ça. L'objectif, c'est vraiment de pouvoir se retrouver, de se rencontrer. Et avec aussi la possibilité de rafraîchissement, parce qu'on tient aussi à ce qu'il y ait une buvette tenue toujours par une association, ce qui est aussi pour une asso l'opportunité de se faire un petit peu de cash. Bah écoutez, justement, c'est quand même super sympa d'avoir toujours au moins 200 personnes. On est quand même sur des bons concerts quand ça se passe comme ça. 200 personnes, des concerts gratuits. Et les gens viennent pas que de Montbard en plus, j'imagine. Non, c'est beaucoup plus large que ça. Alors évidemment, là, je parle des concerts d'été. Quand on a accueilli les deux soirées Gaudier-Capuçon, là, on est monté à... Voilà, au final, on a accueilli entre 2500 et 3000 personnes au Parc Buffon. Donc là, ça a vraiment drainé très, très large à Montbard. Et puis, ça a permis aussi de mettre en valeur notre patrimoine, faire découvrir la ville, s'y balader. Puis c'est super aussi parce que ça fait tourner les cafés, les restaurants, les hôtels aussi. Hein. Ne l'oublions pas. C'est vrai aussi. Bon, Laurence, dans quelques instants avec nous, on va continuer à parler du concert qui arrive là ce vendredi du côté de Montbard. Il y en a des choses à dire et des choses à faire encore, en tout cas du côté de Montbard cet été. Ça continue ce vendredi avec Johan Rich qui sera avec nous dans un instant. Ça sera juste après. Girl, just want to have fun. C'est Cyndi Lauper sur France Bleu Bourgogne. Bye. Girl Just Want to Have Fun, c'était Cyndi Lauper sur France Bleu Bourgogne. France Bleu Bourgogne vous ouvre le carnet d'adresses. On est à Montbard aujourd'hui pour profiter du dernier concert d'été. On est avec Madame la maire, Laurence Porte qui est avec nous ce soir et Johan Rich également qui sera en concert ce vendredi. Bonsoir Johan. Oui, bonsoir Clément. Bon, Laurence, vous avez entendu déjà la voix de Johan, elle est parfaite, prête pour vendredi. Ouais, c'est génial. Bon Johan, quel plaisir de vous retrouver du côté de Montbard donc ce vendredi. Ça va être top, j'imagine que vous êtes prêt là. Oui, j'attends ça avec impatience, d'autant plus que je suis déjà venu une ou deux fois faire un ou deux concerts chez des amis maintenant, et donc je connais un petit peu, on m'a fait visiter un petit peu les environs et c'est magnifique. C'est magnifique, c'est un endroit au top et en plus le public est au rendez-vous. Comme l'a dit Laurence il y a quelques instants, il y a au moins 200 personnes à chaque fois, à chaque concert, on est quand même bien. Oui, on espère que les gens seront au rendez-vous, qui vont répondre présents. En tout cas, nous, on va donner, on va être à 100% de ce qu'on aime faire. On l'espère. Alors justement, quel style de musique vous allez proposer vendredi ? C'est de l'accordéon, mais de l'accordéon pop-rock. Donc c'est un instrument qui demande qu'à être découvert, et donc avec une formation donc accordéon, basse, batterie. Ouais. C'est du nouveau, quelque chose de je pense que c'est surprenant. Il faut, pour les curieux, il faut venir voir pour voir. Mon but, c'est je me dis toujours, mais c'est de montrer que l'accordéon, c'est un instrument universel qui traverse le temps et que il n'y a pas de moment pour on peut jouer de tous les styles, et en fait c'est toujours un peu le message que j'essaye de faire passer. Ah, et écoutez, c'est toujours plaisant. En plus, l'accordéon, on en a tous déjà eu dans des fêtes de famille ou dans des fêtes de communes, justement. Et c'est vrai qu'on passe toujours un excellent moment. Laurence, pour vous, l'objectif, c'est aussi d'apporter de la musique qu'on n'entend pas tout le temps, en fait. Ah oui, complètement. Là, c'est vraiment un de nos grands objectifs, c'est d'avoir cette programmation qui est très éclectique, très diversifiée, puis d'aller aussi sur des genres, des choses un petit peu plus surprenantes. Et là, je crois qu'on va avoir un très très bon exemple vendredi soir avec cet accordéon rock. Oui, c'est vraiment aussi l'idée de surprendre, faire découvrir. Faire découvrir d'autres choses, Johan, c'est aussi pour ça que vous faites le déplacement en Bourgogne. Oui, bien sûr. Faut toujours élargir son champ de vision. Hein. De toute façon, la connaissance, c'est toujours la clé. L'ouverture d'esprit, le partage, aller vers les autres, la solidarité, l'entraide. C'est tout ça. Nous, quand on joue, on cherche l'énergie, on cherche la communion avec le public, et ça c'est extra. Et c'est ce qu'on va essayer de retrouver donc vendredi soir. Allez, un petit mot quand même, Johan, pour faire venir les gens. Dites-nous tout. Venez. Moi, je serai là, en tout cas, à 20h30 sur la place de la Pépinière Royale à Montbard. On sera là, le Johan Rich Trio. Vous pouvez avoir toutes les infos. Et juste pour vous mettre en bouche, écoutez sur johanrich.com, ou sur toutes les plateformes, écoutez un peu ce qu'il en est. C'est l'album Pause, le Johan Rich Trio Pause. Écoutez, c'est parfait, on se dit rendez-vous vendredi soir alors. Oui, parfaitement Clément, on se voit vendredi. Merci beaucoup, au revoir Johan. Merci. Alors, oui Laurence. C'est un scoop, autant vous dire que j'y serai. Ah, pas mal. Vous devrez être animatrice radio, Laurent, je pense que vous ferez des dégâts. Bon, on se retrouve dans un instant parce que Montbard, ça ne s'arrête pas que l'été, parce qu'au mois de septembre, il y a une chose qui s'appelle la foire, je crois, qui va arriver également. Absolument. Alors, on va en parler dans un instant. Régionale. Merci beaucoup, Johan, en tout cas. Oui, merci, Clément. À bientôt. À vendredi. Laurence Porte, la maire de Montbard, est avec nous dans quelques instants pour parler justement de cette foire de Montbard qui a lieu en septembre. C'est déjà demain. Laurent vous le dit avant ça, le pouvoir des fleurs sur France Bleu. Je me souviens, on avait des projets pour la terre, pour les hommes comme la nature. Faire tomber les barrières, les murs, les vieux parapets d'Arthur. Fallait voir, imagine notre espoir. On laissait nos cœurs au pouvoir des fleurs jasmin, lila. C'était nos divisions, nos soldats, pour changer tout ça. Changer le monde, changer les choses, avec des bouquets de roses. Changer les femmes, changer les hommes, avec des géraniums. Je me souviens, on avait des chansons, des paroles, comme des pétales et des corolles, qu'écoutaient. Des fleurs de Laurent Voulzy à 18h22 sur France Bleu Bourgogne. On ouvre le carnet d'adresses de Laurence Porte, la maire de Montbard, ce soir, avec nous jusqu'à 18h30. Laurence, là, ça y est, l'été s'achève, mais il n'y a pas que l'été qui est important à Montbard. Ah, il y a la foire. Ah la oui, cette fameuse foire. On fait que de m'en parler. Alors en fait, la foire, elle va nous faire gentiment et glisser, mais aussi avec beaucoup de bonheur, vers la rentrée. Donc ça démarre le 31 août et c'est jusqu'au 3 septembre sur le site Saint-Roch et l'entrée est gratuite. Alors justement, qu'est-ce qu'on peut y voir pendant cette foire ? Alors, une foire, c'est déjà une foire économique, donc c'est déjà une belle vitrine pour nos producteurs, les artisans, tout le tissu économique local. Donc ça, c'est assez classique, je dirais. Et puis, il y a tout ce qui est animation avec trois soirées musicales dès le jeudi soir. Il y a le vendredi, le samedi, on termine toujours en beauté avec un magnifique feu d'artifice. Et puis, cette année, il y a quand même quelque chose d'assez extraordinaire qui va se produire à la foire. C'est qu'on a la chance d'accueillir le village olympique Terre de Jeux du département de la Côte d'Or. Donc, ça va être un village complètement immersif pour être vraiment transporté dans l'univers de l'olympisme avec une quarantaine d'acteurs du monde du sport sur un très très bel espace à la fois extérieur et intérieur. Donc ça, c'est on va dire l'attraction phare du millésime 2023. de la foire. Donc on peut vraiment y faire beaucoup de choses, des affaires évidemment, mais se détendre dans les restaurants aussi qui sont présents, faire un tour à la fête foraine, et puis profiter du temps de vivre. C'est aussi simple que ça. Oui, parce que c'est important, voilà, de se retrouver. On sait ce qu'on a vécu il y a quelques temps maintenant, mais on a toujours du mal à retrouver ces instants de bonheur tous ensemble. En plus, avec les JO, c'est bien de travailler là-dessus en même temps. Ça prouve que vous avez, voilà, aussi l'envie d'être dans l'air du temps. Oui, évidemment. On a toujours voilà, à cœur d'avoir un village associatif, hein, alors, beaucoup tourné sur le sport. Hein. Montbard, c'est une cité extrêmement sportive, avec beaucoup d'infrastructures, beaucoup de clubs, beaucoup de pratiquants. Mais là, évidemment, l'opportunité d'avoir l'édition du village olympique terre de jeu du département, oui. C'est... voilà. On est très très heureux bien sûr de pouvoir les accueillir. Et vraiment la foire, c'est un univers, c'est un endroit qui est hyper intéressant pour se balader en famille. Tout est mis en œuvre aussi pour les enfants, avec des jeux, des animations qui leur sont vraiment dédiées. Et c'est important. Et dans un état d'esprit qui est toujours bon enfant, on se côtoie, on se salue, on prend un verre, on discute, puis on fait des achats aussi, bien évidemment. Et parmi les achats, évidemment, on privilégie les circuits courts, les productions locales, que ce soit les productions labellisées savoir-faire 100% Côte d'Or, ou aussi les productions qui ont le label Au Soin Naturellement, puisque à Montbard, nous sommes également, bien sûr, dans le pays de l'Au Soin Morvan. Eh bien, écoutez, c'est parfait. On va pouvoir justement passer d'excellents moments. Vous pouvez nous dire les dates de la foire de Montbard ? Alors, elle débute le jeudi 31 août et elle se termine. Elle bat son plein pendant tous les jours jusqu'au dimanche 3 septembre. Elle, voilà, en fin de journée, on baisse le rideau d'une certaine façon jusqu'à l'édition prochaine. Et puis moi, ce que je propose, Clément, c'est d'inviter le studio France Bleu à se délocaliser et à venir nous retrouver, nous rejoindre pour la foire de Montbard du 31 août au 3 septembre sur le site Saint-Roch. Allez, on va faire ça, pas de souci. Merci beaucoup en tout cas, Laurence. C'est moi qui vous remercie, À très Clément. Bientôt. Au revoir. Le carnet d'adresses, c'est en replay sur l'appli ICI, ICI. Et du sport, il y en a à suivre sur France Bleu Bourgogne, puisque vous avez des places à remporter pour le premier match du DFCO. C'est ce vendredi soir à 19h30 contre le FC Rouen. Tout ça, ça arrive après Yannick Noah et Lyon sur France Bleu. Porte l'eau, porte la vie, du ciel à ton seau, le jour et la nuit. C'est de l'or entre tes mains, chaque jour qui passe fait la terre plus lasse. Porte l'eau, porte-la bien, surtout fais attention, ne renverse rien. Fais l'effort, tu le sais bien, chaque jour qui passe fait la terre plus lasse. Et tu sais, les lions sont vraiment des reines. Leur amour, elle donne, et plus jamais ne le reprennent. Le soleil les assomme, fait monter leur peine. Oui, tu sais, porte la vie, tu dois courber le dos pour un peu de pluie. C'est de l'or entre tes mains, chaque jour qui passe fait la terre plus lasse. Et tu sais, les lionnes sont vraiment des reines. Leur amour, elle donne, et plus jamais ne le reprennent. Le soleil les assomme, fait monter leur peine. Sont vraiment, vraiment des reines. C'est l'espoir qui revient, c'est la vie qu'elle ramène. Eliane, Yannick Noah sur France Bleu Bourgogne. Cet été, France Bleu Bourgogne vous fait prendre l'air. Tous les jours, découvrez un animal, une plante, un paysage bien de chez nous. Nos spécialistes, observateurs et connaisseurs de la faune et de la flore vous racontent tout ce qu'il y a à savoir sur ces êtres vivants avec qui nous vivons. Bourgogne, pleine nature, c'est tous les jours cet été à 6h45, 8h45 et 16h45 sur France Bleu Bourgogne. Quand vous écoutez France Bleu, vous n'êtes pas n'importe où. Vous êtes chez vous. France Bleu, au cœur de nos régions, de nos villes, de nos villages. France Bleu Bourgogne, ici, on parle d'ici. Votre météo sur France Bleu Bourgogne avec du soleil qui va avoir lieu toute la journée demain entre 17 et 20 degrés dans la matinée. 27 degrés à Laigne et Gevrolles demain après-midi, 28 à Chalon-sur-Saône, Beaune et Dijon et 29 degrés du côté de Mâcon. Pour ce qui est de la route, écoutez, pour le moment ça roule bien. Ça y est, les complications au nord de Dijon, c'est terminé. Maintenant, tout le monde roule très très bien sur l'Assy, Chalon-sur-Saône ou encore Beaune. Voyez un accident, 03 80 42 15 15. L'infotrafic 100% local avec la fromagerie Germain. Et Poissé-Langres AOP, 100 ans d'histoire à découvrir à Vaux-sous-Aubigny et sur fromagerie-germain.com. Le 16-19 de France Bleu Bourgogne, Clément Lebas. Vous savez quoi ? Dans un instant, on va jouer. On va également s'intéresser à Alexandra Lamy. Quelles sont les régions qu'elle préfère et les endroits qu'elle préfère en France ? Ça sera juste après avoir remporté votre place et celle d'un ami ou d'un proche pour le DFCO contre Rouen. C'est vendredi soir à 19h30. Les places sont à remporter juste après. Grace Kelly, c'est Mika tout de suite sur France Bleu. I wanna talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again. Do I attract you? Do I repulse you with my queasy smile? Am I too dirty? Am I too flirty? Do I like what you like? I could be wholesome, I could be loathsome, guess I'm a little bit shy. Why don't you like me? Why don't you like me without making me try? I try to be like Grace Kelly, but all the looks were too sad. I tried a little Freddy. I've got an entity. I could be brown, I could be blue, I could be violet, I could be like that, I could be black, I could be anything you like. Gotta be green, gotta be mean, gotta be everything more. Why don't you like me, why don't you like me, why don't you walk out the door? How can I help you, how can I help it? So I tried it, little Freddy. I've got an answer to me. Yourself, hey. But you only want what everybody. Grace Kelly avec Mika sur France Bleu Bourgogne. Et tout de suite, je vous propose de jouer ensemble pour remporter vos deux places pour aller voir Dijon-Rouen. C'est la première journée de championnat national. Ça a lieu ce vendredi à 19h30. Alors, pour remporter vos deux places pour aller voir ce magnifique match, répondez à cette question. Qui était le meilleur buteur de la saison dernière au DFCO ? C'était Daniel Congré le défenseur ou Mickaël Le Billan l'attaquant ? Vous vous appelez tout de suite au 03 80 42 15 15. Vous répondez à cette question. Qui était le meilleur attaquant de la saison dernière du côté de Dijon ? Le défenseur Daniel Congré ou l'attaquant Mickaël Le Billan ? Et vous remportez vos deux places pour aller applaudir le DFCO ce vendredi soir. Coup d'envoi à 19h30. Allez, le ou la vainqueur arrive juste après Phil Collins sur France Bleu Bourgogne. Avec Phil Collins sur France Bleu Bourgogne. Bonsoir Véronique. Bonsoir Clément. Bienvenue sur France Bleu Bourgogne. Merci. Ici, c'est Dijon. Ici, c'est Dijon. Bah ouais. Trop tard, du coup, vous avez plus les places. C'est pas pour moi, c'est pour mon fils. Ah bon, bah j'aime bien votre fils. Donc on va jouer quand même, Véronique, pour tenter d'avoir les places pour aller voir Dijon-Rouen. Il faut répondre à cette question. Qui était le meilleur buteur la saison dernière du DFCO? C'était Daniel Congré ou Mickaël Le Bihan? C'était Mickaël Le Bihan. Et tout à fait, c'est la bonne réponse, Véronique. Et bah bravo, voilà. Votre fils qui va voir le DFCO? Oui, parce que je le suis, c'est pour mon fils Alexis, donc il va être tout content. Et bah c'est parfait. Et vous dites à votre fils Alexis qu'avec France Bleu, il y a un concours de pronostics qui vient de se lancer. Il y a toutes les infos sur francebleu.fr et en fait, il y a des places à remporter quand on fait le concours de pronostics. Au fur et à mesure dans l'année, il y aura des places à remporter, c'est avec France Bleu Bourgogne. D'accord, bah je vais le dire à mon fils. Alors ah, oui. Regardez tout ça. Papa, je vais appeler son papa, puis je vais lui dire. Et bah c'est parfait. Merci beaucoup en tout cas, Véronique. Bah de rien, bonne soirée à vous. À vous aussi, au revoir. Au revoir. On va parler avec Alexandra Lamy, juste après Christophe Maé, Cezanne, c'est Pays des Merveilles sur France Bleu. J'ai trouvé le pays des merveilles, chérie. Allons prendre l'air. Allons sous le soleil, chérie. Allons prendre un verre. Ouais, la vie c'est comme un cocktail, chérie. Sucré, amer. À la bouteille, chérie, allons prendre l'air. Du côté du Cap Vert, du côté du Cap Horn, à écouter la mer, à écouter la môme. Y'a des voix là-bas qui voyagent, chérie, mets de l'amour dans tes bagages. Bon, créons un monde pareil. J'ai bien mis à décaler. Ouais, j'ai une âme simplicité. Vivez les mots douces et malades. On est au pays des merveilles, chérie. À la vie, à la vie. À Césaria sous le soleil, chérie. Au petit pays. Aux couleurs de Brasa, Brasero Brasil. Les fardos, les playas, un peu Brazzaville. Y'a des voix ici qui voyagent, chérie. Et de l'amour dans leur langage. Bon, créons un monde paradis. J'ai bien mis à décaler. Ouais, j'suis ta simplicité. Et venez pour tous ces mal. Cezanne et Christophe Maé sur France Bleu Bourgogne. Il est temps maintenant de retrouver Patrice Gascoigne avec ce soir Alexandra Lamy. Une région, une star avec aujourd'hui pour guide la comédienne Alexandra Lamy, originaire de banlieue parisienne. Elle aime sillonner la France pour ses tournages, mais si on devait partir ensemble, Alexandra Lamy, vous nous emmenez où ? Je vous emmènerai évidemment dans mon petit village, à Anduze. J'adore parce que c'est pas un village qui est bling-bling, justement. C'est un village d'abord historique, évidemment, mais à la fois populaire, familial, puis avec cette belle rivière qui traverse quand même Anduze, donc le Gardon. Et moi, j'adore la rivière et la nature. Je suis plus rivière que mer, plus montagne aussi que plage. Et c'est vrai que j'aime cette région-là parce qu'on a des rivières magnifiques, complètement transparentes. Avant que tous les touristes nous la pourrissent l'été, pensez à ramasser vos affaires, s'il vous plaît, vos détritus. Et il y a des rivières transparentes avec des rochers blancs en plein milieu d'une nature, d'une végétation extrêmement verte. Puis historiquement aussi, c'est un endroit fort. C'est des terres de résistance, terres protestantes qui s'est battue pour la liberté de culte et de conscience. C'est une terre même pendant la Seconde Guerre mondiale. Les camisards sont devenus des maquisards. Dans chaque masse, il y avait un enfant juif caché pendant la guerre. Et on dit que c'est des régions de résistance. J'aime bien le Cévenol aussi. Au départ, on le voit, on se dit waouh, il est hyper dur. Et en fait, le mec est hyper gentil. Il y a le côté hyper respectueux. Moi, ça fait tellement longtemps que j'habite là-bas. Bah, je suis né là-bas presque. Donc, tout le monde sait où j'habite. Je n'ai jamais eu personne devant chez moi qui m'embête. Au contraire, on me protège. C'est une région encore qui n'est pas trop cher. On espère que tout le monde va venir s'installer parce que sinon ça va faire augmenter les prix. Qu'est-ce que je peux dire d'autre ? Il y a plein de choses à visiter. Alexandra Lamy, intarissable sur Anduze dans le Gard, lieu qu'elle a d'ailleurs choisi pour y tourner sa première fiction en tant que réalisatrice. Oui, alors ce qui est génial, c'est que moi j'ai fait le repérage toute seule et très rapidement, en une journée et demie, j'ai fait tout le repérage du film. D'abord parce que je la connais par cœur et ça c'est un gain de temps aussi. Et je savais où est-ce que je voulais aller. Je voulais être dans la nature parce que je trouve que la terre, la nature, la montagne, la rivière, ça vous rappelle que c'est elle qui décide quoi. Donc voilà, et puis les bruits, les sons, les oiseaux, la rivière, le bruit des feuilles aussi. Moi, j'avais très envie de travailler ça. Alexandra Lamy, que vous verrez notamment à la rentrée dans une série sur Prime Video, Killer Coaster. Série qui a la particularité de rassembler pour la première fois devant les caméras les deux sœurs Lamy, Alexandra et Audrey. À bientôt pour un nouvel épisode de Une Région, Une Star. Merci beaucoup Patrice. Allez, on se quitte en musique avec Katy Perry. Tout de suite, c'est Firework. Vous entendrez après Big Mountain et Patrick Bruel. Do you ever feel like a plastic bag drifting through the wind, wanting to start again? Do you ever feel this so paper thin, like a house of cards, one blow from caving in? Do you ever feel already buried deep, 6 feet under screens and no one seems to hear a thing? Do you know that there's still a chance for you, 'cause there's a spark in you, you just the light and let it shine just on the night like the 4th of July, 'cause baby you're a firework. Come on, show them what you work, make them go as you shoot across the sky. Now passe l'été ensemble sur France Bleu Bourgogne. Ooh, baby, I love your way. Every day, yeah, yeah. Fromage et boissons fraîches, c'est les vacances sur France Bleu Bourgogne. Il y a ceux qui pleurent et ceux qui prient, et ceux qui parlent un peu trop fort. Il y a ceux qui se mettent à l'abri, même s'il n'y a pas de pluie dehors. Il y a ceux qui meurent d'amour aussi, et ceux qui n'ont pas fait d'effort. Il y a ceux qui disent que c'est fini, et ceux qui veulent y croire encore. Y a ceux qui regardent le ciel, et ceux qui croient qu'ils sont heureux, ceux qui